en instaurant l'état d'urgence, en conférant les pleins pouvoirs à l'armée et à la police, en multipliant les arrestations arbitraires, en donnant ordre de tirer sur les populations, le gouvernement d'Afrique du Sud accentue sa répression. Devant cette aggravation, nous avons décidé, à l'issue du Conseil des ministres, de prendre dès maintenant les trois mesures suivantes. Premièrement, la France décide de rappeler aujourd'hui même son ambassadeur en Afrique du Sud. Deuxièmement, la France saisit dès aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU d'un projet de résolution condamnant les pratiques de l'Afrique du Sud et proposant une série de mesures précises à la communauté internationale. Troisièmement, tout nouvel investissement français en Afrique du Sud, dans quelque domaine et sous quelques conditions que ce soit, est immédiatement suspendu. Poursuivons le dialogue. En juin 1990, le 16e sommet franco-africain, déjà évoqué dans un autre chapitre, se tient à La Baule. Le roi du Maroc, Hassan II, s'y exprime.